et qu'un peu de prudence et dans son grand courage fera bientôt régner sur un si noble cœur le généreux amour qu'elle doit au vainqueur. Étouffez cependant cette lâche tristesse. Recevez-le, Sylvien, avec moins de faiblesse. Faites-vous voir sa sœur, et qu'en un même flanc, le ciel vous a tous deux formés d'un même sang. Oui, je lui ferai voir, par d'infaillibles marques, qu'un véritable amour brave la main des parcs, et ne prend point de loi de ces cruels tyrans qu'un astre injurieux nous donne pour parents. Tu blâmes ma douleur, tu l'oses nommer lâche. Je l'aime, d'autant plus elle te fâche, impitoyable père. Et par un juste effort, je la veux rendre égale aux rigueurs de mon sort. Envit-on jamais un dont les rues de traverse prissent en moins de rien tant de faces diverses, qui fut doux tant de fois et tant de fois cruel, et porta tant de coups avant le coup mortel. Vit-on jamais une âme en un jour plus atteinte de joie et de douleur, d'espérance et de crainte, asservie en esclave à plus d'événements et le piteux jouet de plus de changements. Un oracle m'assure, un songe me travaille, la paix calme l'effroi que me fait la bataille, mon hymen se prépare, et presque en un moment pour combattre mon frère, on choisit mon amant. Ce choix me désespère, et tous le désavouent, la partie est rompue, et les dieux la renouent. Rome semble vaincue, et seul des trois Albains Curias, en mon sang, n'a point trempé ses mains. Oh Dieu! Sentais-je alors des douleurs trop légères pour le malheur de Rome et la mort de deux frères? Et me flattais-je trop quand je croyais pouvoir l'aimer encore sans crime et nourrir quelque espoir? Sa mort m'en punit bien. Et la façon cruelle dont mon âme est perdue en reçoit la nouvelle. Son rival me l'apprend. Et faisant à mes yeux d'un si triste succès le récit odieux, il porte sur le front une allégresse ouverte que le bonheur public fait bien moins que ma perte. Et bâtissant en l'air sur le malheur d'autrui, aussi bien que mon frère, il triomphe de lui. Mais ce n'est rien. Encore. Prix de ce qui reste. On demande ma joie en un jour si funeste. Il me faut applaudir aux exploits du vainqueur et baiser une main qui me perce le cœur en un sujet de pleurs si grand, si légitime. Se plaindre est une honte et soupirer un crime. Leur brutale vertu veut qu'on s'estime heureux, et si l'on est barbare, on n'est point généreux. Dégénérons mon cœur d'un si vertueux père. Soyons indignes, sœurs, d'un si généreux frère. C'est gloire de passer pour un cœur abattu quand la brutalité fait la haute vertu. Éclatez mes douleurs. À quoi bon vous contraindre quand on a tout perdu, que saurait-on plus craindre? Pour ce cruel vainqueur, n'ayez point de respect. Loin d'éviter ses yeux, croissez à son aspect. Offensez sa victoire, irritez sa colère, et prenez, s'il se peut, plaisir à lui déplaire. Il vient.

Sois plus femme que sœur. Et te réglant sur moi, fais-toi de mon exemple une immuable loi. Cherche pour t'imiter des âmes plus parfaites. Je ne t'impute point les pertes que j'ai faites. J'en ai le sentiment que je dois en avoir. Et je m'en prends au sort plutôt qu'à ton devoir. Mais enfin, je renonce à la vertu romaine. Si pour la posséder, je dois être inhumaine. Et ne puis voir en moi la femme du vainqueur sans y voir des vaincus, la déplorable sœur. Prenons part, en public, aux victoires publiques. Pleurons dans la maison nos malheurs domestiques. Et ne regardons point des biens communs à tous, quand nous voyons des maux qui ne sont que pour nous. Pourquoi veux-tu, cruel, agir d'une autre sorte? Laisse, en entrant ici, tes lauriers à la porte. Mal tes pleurs aux miens! Quoi? Ce lâche discours n'arme point ta vertu contre mes tristes jours? Mon crime redoublé n'aime point ta colère? Que Camille est heureuse. Elle a pu te déplaire. Elle a reçu de toi ce qu'elle a prétendu et recouvre là-bas tout ce qu'elle a perdu. Cher époux, cher auteur du tourment qui me presse, écoute la pitié si ta colère cesse. Exerce l'une ou l'autre après de tels malheurs à punir ma faiblesse ou finir mes douleurs. Je demande la mort pour grâce ou pour supplice. Qu'elle soit un effet d'amour ou de justice, n'importe. Tous ces traits n'auront rien que de doux si je les vois partir de la main d'un époux. Quelle injustice, ô Dieu, d'abandonner aux femmes un empire si grand sur les plus belles âmes et de se plaire à voir de si faibles vainqueurs régner si puissamment sur les plus nobles cœurs. À quel point ma vertu devient-elle réduite? Rien ne m'en saurait plus garantir que la fuite. Adieu. Ne me suis point. Ou retiens tes soupirs. Colère. Oh, pitié sourde à mes désirs! Vous négligez mon crime et ma douleur vous lasse. Et je n'obtiens de vous ni supplice ni grâce.